sans perdre le match de l'œil. Ouais, on regarde le match. Je peux faire les deux en même temps. Quoi. Ouais, super. Alors, c'est un truc de 50 pages qui dure à peu près 60 minutes et c'est en polonais. Donc, je vous demande pardon déjà. Et c'est un peu lié parce que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que je confonds le fil et le phobie. Je suis très photophile, mais je suis très photophobique en même temps. Encore une carte jaune, quoi. Alors, je me suis réveillé dans un état phobique. J'ai bu un café phobique et fumé une clope phobique. J'ai douché mon corps pétrifié et séché ma peau craintive. J'ai regardé par mes fenêtres affolées et enfilé mes vêtements anxieux. Passé un coup de fil paniqué et lu mon mail angoissé. J'ai vérifié la météo tremblotante et je me suis timidement préparé à affronter mon inquiétante journée. J'ai décidé que je n'allais pas me laisser atteindre. La seule manière de l'emporter était de balayer la peur comme un gros Américain. Donc j'ai ouvert ma porte d'entrée et franchi le seuil comme une sorte de John Wayne rachiditique. Le ciel était une symphonie de bleu. C'était doux et nuancé comme une musique qui vous rappelle quelqu'un qu'on a aimé. Les bâtiments s'imprégnaient de la douceur de l'atmosphère et soudain le solide se faisait fluide. Les briques rouges semblaient tendres et enflées. Les fenêtres saillaient et les toits respiraient. Les bords tranchants s'émoussaient et l'architecture prenait forme presque humaine. Comestible ou baisable, le paysage reprenait vie et tortillait son joli petit cul devant moi. « Vas-y, me disait-il, sois malheureux, chiche. » C'était indiscutablement une journée si radieuse que c'en était presque embarrassant. Donc, immédiatement, pris de panique, je me suis allongé sur le seuil et j'ai essayé, en pleurant, d'adopter la respiration d'une femme en travail. Au bout de 5 minutes, je suis parvenu à rentrer à l'intérieur en rampant. Toujours couché sur le sol de l'entrée, j'ai refermé de pied la porte derrière moi. C'était un petit événement, un quasi-succès vraiment. Un genou en sang, le pantalon déchiré et les exclamations moqueuses de quelques passants. J'avais vécu bien pire d'abus. Parfois, mourir de peur, c'est comme vivre en permanence dans une ville étrangère dont on ne parle pas la langue et qui ne sait même pas que la vôtre existe. Le moindre échange est émaillé de difficultés. Acheter du fromage demande des mois de réflexion et tout peut tourner mal tellement, tellement vite. Ce matin-là, j'éprouvais une gamme complexe d'habituelles peurs morbides et de classiques allergies morales. Comme de coutume, je souffrais d'agoraphobie, la peur des grands espaces ou celle de se trouver dans les lieux publics surpeuplés, la peur de quitter un endroit sûr. Comme d'habitude, j'étais, par ordre alphabétique, en proie à la agliophobie, la bibliophobie, la dextrophobie, l'idiophobie, la mémnophobie, la phrénoménophobie, la pornophobie et la théophobie, qui se traduit plus ou moins par peur de la douleur, peur des livres, peur des objets situés à droite du corps, peur des idées, peur des souvenirs, peur de pensées, peur de la punition, peur des dieux et de la religion. Je me dois de signaler que pendant ce temps, j'étais entièrement, complètement nomatophobique, c'est-à-dire souffrant intensément d'une peur morbide des noms. Ces peurs étaient au premier plan, infiniment perceptibles. Je les humais et les goûtais à chaque respiration. N'importe qui pouvait les détecter à 3 kilomètres. Il y avait d'autres peurs, des rôdeuses à caractère récessif qui, de loin en loin, me rappelait à leurs bons souvenirs avec un brusque sursaut d'horreur ou un tremblement stupéfié. Il y avait l'habituelle et tout à fait prévisible calignophobie, la peur des belles femmes. Il y avait la déshabiliophobie, la peur de me déshabiller devant quelqu'un. Et comment pourrais-je oublier la permanente sensation de hédonophobie, la peur lamentable de ressentir du plaisir. Hélas, l'icéphalophobie était une autre constante, la peur de voir, de penser à ou d'avoir un pénis en érection. Parmi les cas, il y avait la chronophobie, la peur des pièces, et la cosmicophobie, la peur des phénomènes cosmiques. Sans oublier le couple consensueux aux métaphobies et aux nérophobies, la peur des jeux et la peur des rêves. Il est superflu que je mentionne ma pédophobie, ma peur constante et sans fin des enfants. Et tout ceci est un balayage des universaux, les peurs que nous avons tous en partage, les peurs raisonnables et des amis de l'écrivain. En tant que romancier professionnel, je suis par nature aphasagorophobique. Je suis constamment épouvanté à l'idée d'être oublié ou ignoré. J'endure la présence des jumelles tautologiques épistémophobie et nosiophobie, tellement bien celle-là qu'on lui a donné deux noms. La cette incroyable terreur de la connaissance, oh putain. Comme la plupart des gens sur cette planète, comme la vaste majorité non phobique, j'ai la traumatophobie et la tyrannophobie, la peur des blessures et des tyrans. Rien de plus raisonnable. Je suis, cela va sans dire, phobophobique. J'ai une peur tout à fait morbide des phobies. Toutefois, je pense que mon vrai problème, mon incapacité véritablement handicapante est ma panophobie. Cela me paraît clair lorsque je vois l'homme effrayé qui vit dans le miroir de ma salle de bain. Il est vraiment panophobique, ce type. Vous l'avez probablement déjà deviné. Oui, vous avez bien deviné. Moi, j'ai la peur de tout. Hier, j'ai essayé de me tuer. Cela ne vous étonnera pas vraiment. Et cet épisode, ce matin, ce n'était pas le plus formidable réveil que j'eusse jamais connu. Je n'avais pas bondi de mon lit avec un sourire rayonnant comme un enculé de nazi dans une pub pour des céréales. Loin s'en faut, j'avais pleuré et tremblé, et je m'étais pratiquement pissé dessus de terreur et d'incapacité générale à être humain. Mais je n'avais pas encore essayé de me tuer. Ça, je ne l'avais pas fait. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ça avait l'air d'aller mieux. Bravo. Est-ce que je peux appeler mon agent, là? Mais grave, quoi. Et si je ne m'abuse, c'est un texte que vous avez écrit en français. Ah, mais tout à fait. Ce qui ne doit pas arriver non plus. Non. J'ai écrit en polonais, comme j'ai dit. Oui. Et est-ce que, du coup, ça vous est possible de nous parler des 10 dernières minutes du match? Celles qui viennent de se passer pendant que vous lisiez, Robert. Ah, j'ai vu que Drogba a pas mal... Ah, il est remplacé, là. Ils ont mis d'un point de vue phobique, Robert, bien sûr. Ouais. C'est assez phobique, Drogba. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que le club de Barça est actuellement en phase de grosse Chelsea-phobie, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les joueurs de Barça se précipitent, on ne les reconnaît plus. Les joueurs de Barça, malgré leur grosse domination, eh bien, ne font que rien du tout là, mais qu'est-ce qui se passe? Même avec la sortie à l'instant là de Didier Drogba, eh bien on sent chez cette équipe de Barça une hantise, celle de ce penalty raté par Messi, alors que là attention, une passe de Messi en profondeur, Mais non, le ballon sera sorti. Toujours 2-1. Et Chelsea, le plus mauvais des 4 derniers clubs qui restent qualifiés pour cette Ligue des Champions, eh bien, est toujours qualifié à la 80e minute. C'est incroyable. Le suspense est incroyable, mes amis. Merci, Magic. Oui, bah si, merci, Magic. Bon, docteur, on va vous donner un petit peu la parole, parce que je crois que vous êtes un petit peu... Bon, on connaît vos aspirations anglo-saxonnes. Oui, oui, mes aspirations. Mais, vous... le but magnifique, le but pour le Barça. Et je sais pas qui l'a marqué, parce que c'est allé tellement vite. Et alors que... C'est terrible. Une situation de hors-jeu. Et on s'est pas vu du Camp Nou, je sais pas si du studio on peut voir s'il y avait hors-jeu. Il a l'air hors-jeu, Magic, hein, effectivement. Il y avait hors-jeu, oh là là, parce que c'est allé tellement vite, comment l'arbitre a pu voir qu'il y avait hors-jeu sur cette action? Je n'ai même pas vu les joueurs qui ont été concernés par le but, mais on y a cru. Excusez-moi, reprenez. Vous avez bien fait de prendre la parole. Vous avez coupé la parole au docteur. Non, mais le docteur allait intervenir parce que... Il a hésité. Votre pronostic avant le match était plutôt flatteur pour le Barça et finalement... Le deuxième poteau de Messi. Mais sur un tir incroyable depuis l'extérieur de la surface de réparation. Mais comment ça peut être possible? Je crois que, comme tous les grands joueurs, eh bien, Lionel Messi est malade d'une grande malédiction. Deux poteaux sur les cages de Petr Cech, c'est pas possible. Excusez-moi, c'est pas possible. Il doit y avoir un mauvais œil. Il doit y avoir quelque chose dans cette équipe. Je sais pas. Excusez-moi. Reprenez. Non, il va y avoir une action probablement. Moi, je sais plus quoi faire. Est-ce qu'il faut vraiment intervenir? Bon, j'aimerais bien voir le direct en même temps. Donc. Oui, est-ce qu'on pourrait parler éventuellement, pour revenir un petit peu sur le texte de Robert, sur la phobie et le football, quoi, parce que Robert, c'est quand même un texte qui vous est très personnel. Rencontrer un joueur de Chelsea, un John Terry dans la rue, par exemple, ça vous plairait ou pas? Ouais, ça serait une réaction hyperphobique. Quoi. Qu'est-ce que vous feriez? Sur la peau, quoi. En fait, le foot, surtout en Angleterre, où c'est... Il s'agit de fierté de la propre club, mais de la haine des autres. C'est un truc assez de cette ambivalence de l'amour et la haine, et de phobique et on est footophobe et footophile en même temps. Donc s'il y a quelqu'un, par exemple, Wayne Rooney était adoré par les fans d'Everton. Il était définitivement Everton, pas Liverpool. Et il était vendu et il joue pour Manchester. Et les gens le détestent, quoi. Mais c'est la haine pure. Donc, c'est pas très logique, c'est pas très sympa et c'est pas très sain. Donc, c'est une maladie. C'est une espèce de phobie. Avec une ambivalence toujours. Ouais, celle d'une attirance profonde et d'une répulsion. Ouais. On est toujours dans ce grand problème de la phobie que j'ai développé dans quelques chorégraphies. Est-ce qu'on pourrait parler de la même chose quand on voit, par exemple, que Lionel Messi, qui n'a encore pas réussi à marquer un seul but contre ce club, est-ce qu'il a pour autant pas spécialement envie de jouer à Chelsea? Il porterait pas un tel amour de ce club, quand même. Et il paraîtrait, on le disait tout à l'heure, que, on va le dire pour nos auditeurs, qui sont nombreux ce soir, hein, je crois qu'on a reçu beaucoup d'appels déjà, que Lionel Messi n'a donc jamais marqué contre Chelsea et que ce serait le seul club contre qui il n'aurait jamais marqué. Docteur, vous avez les statistiques très précises de... Oui, je faisais juste remarquer à l'occasion de notre petite discussion d'avant-match, hein, ce petit rituel que nous avons, que Lionel Messi, donc, effectivement, n'avait jamais marqué que Chelsea était la seule équipe professionnelle contre laquelle précision qui méritait Messi d'être n'avait jamais marqué. J'évoquais sa carrière de poussin ou d'autres phénomènes, mais j'ai certains amis à qui il arrivait de marquer à tous les matchs, quoi, par exemple. On connaît ces Certains Didier Sardet, par exemple, se targuait de marquer tous les coups francs du Ligue UG Football Club, à une époque un petit peu révolue maintenant, puisqu'il est blessé, rupture du talon d'Achille, et on le salue à cette occasion. Salut Didier. Salut Didier, on est avec toi. Mais il n'a jamais marqué contre Irlande du Nord non plus. Hein. Messi ou... Messi. Messi, oui. Ouais. Mais jamais. Didier, je crois. Avec l'Argentine. Ouais. Mais ils ont joué. Il a joué contre l'Irlande du Nord. C'est pas la question, quoi. Ah oui, non, c'est vrai. Non, mais est-ce, quand même, est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'ils sont professionnels en Irlande du Nord? C'est aussi la question. Presque. Ouais, plus ou moins. Il y en a certains. Il y en a certains. Et il y en a certains. Et on les félicite. Ouais. Ah, Petr Guardiola tombe la veste, hein, je crois. Ouais, c'est sérieux, là. Magic. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus cette équipe. Je sais pas. Moi-même qui viens d'une région méditerranéenne où tous les sorts ou tous les sortilèges sont de droit. Écoutez, là, je sais pas. Je suis dépassé parce que le tout fait que Chelsea va se qualifier là pour l'instant. On est à la 86e minute et rien ne fait pour cette équipe de Barcelone. Elle est toujours éliminée malgré la sortie de Didier Drogba et la rentrée de Fernando Torres, malgré les deux poteaux de Messi, malgré son incapacité à marquer, malgré sa volonté. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça sent le roussi pour le Barça. Ça sent le roussi pour le Barça, les gars. Magic, vous êtes très pessimiste pour le Barça. Il y a des raisons de l'être, puisqu'on assiste là depuis maintenant une heure et demie presque à un attaque-défense qui n'a pas été stérile puisqu'ils ont marqué deux buts. Mais c'est vrai que la fin approche et on sent que les solutions manquent à cette équipe, Brett. Oui, c'est dur à regarder même parce que oui, c'est on voit pas où le but pourrait intervenir. Je sais pas, c'est compliqué. Ça tourne autour du pot. Il y a pas d'action vraiment franche à part oui le poteau et le penalty qui est quand même pas vraiment une occasion franche. Ouais, un but refusé aussi, c'est vrai, pour un hors-jeu dont on sait toujours pas s'il était vraiment effectif. Mais ça sent aussi quand même, c'est vrai. Et puis on sent que les minutes passant, les joueurs de Chelsea s'enhardissent un petit peu, quoi. Ah, alors que là, oh là là, oui, ça cartonne. Oh l'attentat, le troisième attentat de suite. Et là, deviné par qui? Par un Portugais, Meireles. Mais qu'est-ce qu'il fout là encore sur le terrain? Mais bordel de merde, vous allez jouer au football. C'est pas un match de hand, bordel de merde. Excusez-moi. Reprenez. Ben oui, on va reprendre. C'est difficile de passer après vous, Magic, parce qu'on dérape, on n'est pas loin, mais on pourrait peut-être continuer en parlant des coupes de cheveux des joueurs espagnols, parce que ça fait depuis un moment qu'on envisage ce débat. Il nous manque David Villa, qui est quand même le chef de file de la belle coupe de cheveux espagnole, mais en même temps, il y a des bons. On a quelques beaux spécimens. Carles Puyol, qui est quand même très très bien. Surnommé Tarzan, quand même, c'est peut-être pas pour rien. On pourrait aussi évoquer un sujet qui nous tient à cœur, celui de la gouttière, avec Gérard Piqué. Gérard Piqué sorti malheureusement. Il faudrait expliquer à Robert ce qu'est la gouttière, mais. Le docteur s'en chargera certainement. Voilà. Allez-y, docteur, expliquez la gouttière. La gouttière, c'est tout simplement c'est une phobie, très certainement, c'est celle de ne pas assumer sa barbe. Donc c'est celle de, c'est celle de la tondre très légèrement à la commissure du menton et de la gorge pour que ce soit rectiligne. Voilà, c'est une gouttière. On appelle une gouttière, ouais, très simplement. Joli, un mal qui se répand de plus en plus. Mm. On avait l'habitude des mots tels que la queue de rat, même la crête. Crête ou la houppette. Actuellement, on est sur la gouttière, beaucoup plus discrète. Si je peux intervenir, certes. Docteur, je pense que ce n'est pas ne pas l'assumer. Je pense que c'est au contraire trop en prendre soin et vouloir la mettre en avant. C'est-à-dire un peu la mystifier, la porter comme un oripeau sur ce stade de foot où les gros plans sont trop rares, malheureusement, ouais, et où les joueurs doivent souffrir de ce manque de visibilité de leur esthétisme. D'ailleurs, on sait très bien qu'ils sont obsédés par... Oui, mais mon cher ami Assegin Yang, il se plaise tout de même à nous faire des photos de mode. Eh oui, car ils n'ont jamais assez. Probable. Je suis un peu déçu que vous parlez des coupes des joueurs espagnols parce que Mario Balotelli, il gagne, quoi. Mais, oh mon Dieu. Magic. Oh non, non, non, non. Oh, oh shit. Là, et le 3-1 pour Chelsea est qualifié. But du revenant du fantôme espagnol au Camp Nou, Fernando Torres. Magic, racontez-nous ce but malgré tout. Eh bien, écoutez... Il ne l'a tout simplement pas vu. Mais si, je sais plus. Et une attaque du Barça, un contre, une récupération, un contre. Et il faut souligner que le joueur espagnol de Chelsea joue merveilleusement le coup. Il dribble le gardien et s'en va marquer très tranquillement dans cet âtre du Camp Nou où il aurait vraisemblablement aimé jouer un jour quand le Barça dominait l'Europe. Mais le Barça est en train de couler. Et 3-1 Chelsea, et on peut le dire alors qu'on vient de rentrer dans les prolongations, le Barça est éliminé sous les yeux de Didier Drogba, et la joie immense de l'Ivoirien et de tout le club de Chelsea. Le Barça, il reste 2 minutes à jouer, et 3-1 pour Chelsea, autant dire... 3-1, c'est pas plutôt 2-2. Pardon, 2-2, mais c'est pareil. 2-2, et voilà, excusez-moi. Reprenez. À vous les studios. On vous sent ému, Magic. Vous qui aimez, on le sait, le football, par tous les... Vous le transpirez, le football, par tous les pores de votre peau. Écoutez, je suis très content pour Didier Drogba. Je crois qu'on aura l'occasion à l'avenir dans cette émission de revenir un peu sur toutes les actions, et notamment politiques, que Didier Drogba mène depuis un certain nombre d'années. Et s'il doit y avoir une satisfaction ce soir, c'est pour l'œuvre footballistique et l'œuvre en général de Didier Drogba. Magic, je crois que le match est fini d'ailleurs. Et le match vient de se terminer à l'instant sous les sifflets de l'arbitre. Chelsea est qualifié. Chelsea qui vient de faire 2-2 au Camp Nou à Barcelone. Et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Devinez ce qu'on voit sur le terrain. On ne voit qu'une seule chose. Souvenez-vous, il y a 2 ans exactement, quasiment jour pour jour, Didier Drogba qui, à la face du monde, devant 1 milliard de téléspectateurs, criait sa honte de s'être fait voler la demi-finale face à Barcelone, mais où ça, à Chelsea, sur le stade de Stamford Bridge, et là on ne voit que lui qui exulte, qui va féliciter tous ses partenaires, qui va remercier l'arbitre, et il n'y a Dieu que pour Didier Drogba. Exit Lionel Messi, la comète venue de l'espace. Barcelone est terrassée par Chelsea, mais surtout par un seul homme, Didier Drogba. Merci Didier. Magic. Merci, Magic. On vous retrouvera peut-être tout à l'heure pour une interview de Didier Drogba, si jamais vous réussissez à l'avoir. Vous qui êtes sur la pelouse en ce moment. Oui, bien sûr, je vais essayer. Je l'ai déjà rencontré à 3 reprises pour d'autres émissions, mais là, ça va être la première fois pour la nôtre. Et j'espère qu'il va avoir l'occasion, la possibilité de nous répondre, parce que c'est immense ce qu'il a fait sur les 2 matchs. C'est immense. Dis-lui que je suis là parce qu'on est potes, hein, donc... Si tu mentionnes mon nom, il va te parler. Hein. Oui, mais je dois d'abord dépasser le service de sécurité. Je sais pas si tu connais des gens de la sécurité du Camp Nou, mais ça m'arrangerait, Robert, ça m'arrangerait. Brett, enchaînons du coup. On avait prévu des choses pour cette fin de match. C'est peut-être le moment de faire une surprise à notre invité de prestige, non ? Tout à fait. On va peut-être écouter un morceau de musique. Je vous dis pas ce que c'est, et on verra ensuite. Mmh. a eu ce petit tuyau par un magazine pour lequel vous avez fait une interview il y a quelques années maintenant, SoFoot. Ah ouais. Et donc on apprenait que vous aimiez beaucoup Stiff Little Fingers et qu'il y avait peut-être des choses à dire sur ce morceau. C'est juste hyper classe, quoi. C'était... ce sont les gens mais qui n'ont jamais perdu le sens de vrai punk, quoi. Mais ils n'ont pas gagné leur vie, ils étaient toujours underground. Ils étaient des vrais, quoi. Blague à part, mais juste super. Et parfois, un peu défoncé, les concerts étaient un peu durs. On avait pas mal de gens qui ont craché dessus les autres. Mais c'était juste très, très classe. Et ça dure. Ils sont là, ils sont des messieurs maintenant d'un certain âge. Mais ils vont encore, toujours, jusqu'au bout, quoi. C'est juste... Puis extrêmement engagé, quand même. Ah bah oui, enfin, cette chanson en particulier, vous en parliez. Ouais, ça, il s'agit des bagages lacets qui sont explosés par les flics ou l'armée. Et c'était l'époque où c'était un peu quotidien là-bas. Mais c'est le contraire de U2, quoi, tu vois. C'est pas trop bono, quoi. Mm-hmm. Musicalement, ça s'entend ouais, un peu déjà. Ça, ouais. Il y a une autre ça énergie. Ça se voit. Une autre résonance. Mm. C'est un groupe nord-irlandais, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Ils ont eu de succès, mais même avant les années 80, quoi. Et au point de vue de l'Irlande du Nord, on sait que par exemple l'Ulster, dans les équipes de rugby, joue pour l'Irlande. Ouais. Au niveau de l'Irlande du Nord, ouais. Par exemple, comment ça se passe au niveau du football ? C'est hyper compliqué, quoi. C'est très compliqué. Mais ça a un rapport aussi avec la classe sociale, parce que le rugby, c'est pas comme dans la France où c'est un sport prolétaire. Là-bas, c'est hyper bourgeois, quoi. C'est pas très prolétaire. En France, ça l'est aussi. Dans le sud, c'est pas bourgeois. C'est pas bourgeois, c'est un sport. Il y a une division qui est pas une division de classe, mais une division régionale quand même dans le rugby. Oui. Ah ouais. Ouais, c'est pas un système de classe. Ah, d'accord. Ça se discute aussi. Ça se discute. Oui, ça se discute aussi. Non, c'est un système régional. On joue au rugby dans le sud-ouest. On joue au football ailleurs. Après, c'est un système de classe dans le sens où on joue effectivement au football dans le sud-ouest chez les polos dans tout le reste de la France. D'accord, c'est vrai. Mais c'est pas les fils de Bourges qui jouent au rugby dans les campagnes du sud-ouest. C'est pas vrai. Ouais. Mais le foot... Mais en Angleterre, c'est différent. Le foot était toujours Irlande du Nord et Irlande du Sud parce que, entre nous, parce que le foot compte. Donc, on ne pouvait pas jouer avec ça. Et c'est dommage, parce qu'il y avait deux équipes nulles qui, ensemble, pourraient être une équipe un peu moins nulle. Mais toujours nulle, mais juste un petit peu moins. Et pourquoi pas jouer avec les Gallois ou... Ah, les Gallois sont nuls. Il y a longtemps, les Écossais étaient pas mal. Mais, ouais. On n'a pas revu depuis 98, mais on espère un jour... Manuel est un aficionado de l'Écosse. Oui. L'Écosse. Ah ouais, dans tous les sports qui puissent exister en Écosse, je soutiendrai l'Écosse. Tu connais Kenny Dalglish ? Et je connais Kenny Dalglish. Ah, qui était un très grand joueur. Oui, quoi. Tout à fait. Mais qui est un grand entraîneur maintenant, quand même. Oui, et un mec très dur. Ah ouais, que j'ai vu une fois dans ma vie. Et c'était assez gênant parce que j'avais 25 ans, j'étais déjà publié, j'étais quelqu'un, quoi. J'ai gagné des prix, j'ai fait des trucs sympas, et j'étais un adulte. Et j'ai dit, is it really you? Il a pas rigolé, le mec. Hein. Il est plus écossais, tu meurs, quoi. Il l'a pas trouvé charmant. Hein. En France, on connaît un autre joueur écossais, c'était Mark Attlee, qui jouait pour les Glasgow Rangers et qui a joué contre l'OM l'année où l'OM gagne la Ligue des Champions. Ils éliminent les Glasgow Rangers et il y avait Mark Attlee qui avait marqué une tête plongeante furieuse. Va savoir que c'était la tête. Ouais. Parce que non, il était un grand mec, pas très doux avec les pieds, mais sympa et pas bête, hein, qui est rare chez les Rosbif, quoi. Parce qu'il est il est pas écossais. Il a joué pour l'Écosse, mais il est anglais. Il est anglais. Ouais, tout à fait. Ok. Comme pas mal des joueurs qui jouent pour Irlande aussi, parce que on avait besoin. Mais Irlande du Nord avait George Best, qui était un grand joueur. Quoi. Ouais. Et alors justement, un grand boover. Brett, on a eu un invité prestigieux, Samuel Rochery, qui... Bah, qui viendra certainement parler de George Best une fois prochaine. On aurait aimé qu'il soit là ce soir pour parler de George Best. Avec vous. Avec vous, mais c'est bon, c'est que partie remise. Il n'était pas prêt et... Ouais. Et surtout parce qu'il a aussi beaucoup écouté un groupe qui s'appelle Wedding Present. Ah ouais ? Vous connaissez ? Ah mais bien sûr. Et qui a dédié, je ne sais pas, mais en on tout parle cas, de qui ? Vous avez dit Salman Rushdie ? Samuel Rochery. Non, Samuel Rochery. Ah, c'est d'accord, Salman Rushdie. Oh, c'est bien dommage. Parce que j'aime bien l'idée qu'il est obsessionnel de George Best. Quoi. Alors, le service de sécurité n'est pas assez important pour recevoir Salman Rushdie ici. Parce qu'il est quand même menacé de mort en permanence. Et du coup, c'est... Oui, avec nous, ça ne serait pas gagné pour le service de sécurité. On peut se défendre. Oh non, tout ça, c'est... Ouais, non, si on recevait un samedi soir, par exemple, ouais. Peut-être. Brett, c'est peut-être le moment de revenir sur le jeu des pronostics avec nos amis, Tonton Chris et le Vicomte. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on va passer donc à la minute du Tonton Chris et la contre-minute du Vicomte. On va écouter donc leur billet d'humeur. Nos deux spécialistes du football international, membres d'honneur à la FIFA, nous donnent autour d'une table leur vision sans concession de cette campagne européenne. Ils vont nous parler tous les deux du football anglais et puis du football en général. On les écoute, c'est assez intéressant. Défaite des deux clubs espagnols. Chelsea va accrocher un bon 0-0 à Barcelone, qui n'est pas au mieux. Et je prends un risque, je pense que le Bayern va aller très très loin dans cette coupe et voir la gagner. Donc un gros match nul 2-2 du Bayern à Madrid. Ah ben, je vois surtout le football espagnol en déconfiture complète. Financièrement, ils sont au bord de la faillite, donc il va falloir un moment ou un autre que ça explose. Et ça peut exploser sur ces demi-finales. Ben, beaucoup de clubs stagnent. D'autres clubs... beaucoup de clubs stagnent du style Arsenal et Liverpool. D'autres clubs essayent de se construire, mais c'est très dur. Je pense notamment à Manchester City. Et deux clubs continuent leur domination pour moi de le foot anglais. C'est Chelsea et surtout Manchester United. Plus Tottenham que Newcastle. Newcastle, pour moi, c'est un feu de paille, comme ça l'a souvent été. Dans le passé, régulièrement, ils prenaient une 3, 4, 5e place, et puis après, ils redescendaient 15e. Donc pour moi, Newcastle, j'y crois pas. Tottenham, oui, c'est plus sérieux, mais il faut qu'à Tottenham, les grands joueurs du style Gareth Bale, tout ça, restent, et ça, c'est pas gagné. Liverpool, mon club, mais je pense que mauvais président, le moment où ils sont passés sous domination américaine les a coulés, ils n'arriveront pas à s'en remettre de sitôt. Ils ont un public, ils ont un stade, ils ont une âme, mais c'est tout ce qu'ils ont. Bon, l'OM, voilà, ça c'est dit, on a gagné la Coupe de la Ligue, on est content. Encore une défaite à Bordeaux, et d'après ce que j'ai compris, tout va bien à Marseille, tout le monde va partir, Deschamps va s'en aller, et les autres vont suivre. Même les cadres comme Chéroux veulent partir, même si là aujourd'hui ils viennent de dire qu'ils voudraient rester, mais pas à n'importe quel prix, pas sous n'importe quelle condition, donc c'est qu'ils veulent partir. Donc Marseille, l'année prochaine, très très dur. En plus, la saison commencera très tôt, puisqu'il y a le premier tour de l'Europa Cup qui sera en juillet, donc reprise en juin, fin du mercato, début juin pour être à Lille. Ça ne le fera pas avec les dirigeants que nous avons. Et Bastia, ben, normalement, on est en D1 et l'année prochaine, va savoir. Je vois une belle saison pour finir dans les 5-6 premiers, pas plus, mais il faudra venir jouer à Furian et ça sera dur. Écoute, je pense que les tendances vont être inversées radicalement. Hein. Savoir victoire de 4 ou 5-0 de Barcelone, minimum, je pense. et 2-0 du Real. Voilà. Une belle finale en perspective. Sur les îles britanniques, écoute, ouais, je crois qu'ils ont, depuis qu'ils l'ont inventé, ils n'ont pas fait grand-chose hein, à l'intérieur, je pense que ça c'est clair. On les voit de temps en temps, ils gagnent quand ils sont chez eux, comme en 66 par exemple, hein, mais après il n'y a plus personne. C'est peut-être le fait de prendre le bateau à chaque fois, je sais pas, hein, mais ça leur va pas. Donc je pense que là ça va être une grosse épreuve pour eux. Chelsea, une belle défaite. Voilà. Un mot sur l'OM, un mot sur Bastia. Bah, écoute, effectivement, je pense que pour une fois, je vais être d'accord avec tonton Chris. Hein, je partage son analyse sur Bastia. En tout cas, sur l'OM, non, évidemment. Hein, ça, là, il n'est pas encore trop tard. On n'en est que la 34e journée, hein, je crois. Donc, il est toujours temps hein, de remonter, de finir 4e, je pense. Et bon, Bastia, effectivement, l'année prochaine, Furiani, un écroulement de stade ou deux, et puis retourne en division d'honneur. Je vous en prie. Always at the start of each match, the excitement, often the only moment of excitement, that this might be the one match. The match in which someone betters Joe Payne's 10 goals. Where Hughie Gallagher, after being floored, nods one in when sitting down. Where the extraordinary happens. Something that makes it stand out. The match one remembers and talks about for years afterwards. Il y a un problème technique en régie. Ah voilà. C'est résolu. On peut prendre la parole, oui, c'est bon, on peut. Oui, oui, ouais. Allez-y, c'est-à-dire que ce que vous aviez prévu après, c'est lancé. Ah, ça s'est enchaîné, on reviendra dessus alors. C'est pas grave. Donc, est-ce qu'on a entendu ce qu'on a dit ou pas, ou est-ce qu'il faut le répéter? Ah, ben bah, là, je crois qu'on n'a rien entendu de... Ah, bah, c'est pas grave, on a dit des choses formidables. Tant mieux que tout est écrit devant vous, là. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. On peut revenir comme ouais, ça, ouais. Exactement. C'est là, c'est là, c'est marqué. Et en fait, ça, c'est pas écrit, justement, non, alors du coup, on va revenir comme ça. On disait que... Alors oui, merci, oui, tonton Chris et Olivier Contre, vraiment. Belle chronique. Ouais, très belle chronique. On peut dire que tonton Chris, pour l'instant, au niveau de ses pronostics, est dans les cordes. Ouais, Vicontre est à l'eau. Et heureusement tout de même que les prédictions ou les prévisions, je ne sais pas comment ils se placent, de notre ami le Vicontre, ne se réaliseront pas très certainement, notamment pour Furiani. Quoi. Non, puis c'est vraiment du mauvais esprit. C'est du mauvais esprit. C'est du mauvais esprit. Mais c'est propre au jour qui vient. Il n'a pas toujours eu tort. Il n'a pas toujours eu tort. Il n'a pas toujours eu tort, c'est vrai. C'est vrai, il a parfois quelques éclairs. Bon. Par contre, on voulait revenir avec vous, Robert. Vous l'avez mal entendu tout à l'heure sur ce qu'il disait, le Vicontre, un de nos deux chroniqueurs là, qu'on vient d'entendre, sur le football anglais. C'est sur la phobie. Brett, vous pouvez, en deux mots, résumer la position du Vicontre sur le football anglais. Bah, il supputait que le fait que l'Angleterre n'ait quasiment jamais rien gagné soit peut-être lié à une... Sauf à domicile. Sauf à domicile. Ouais. Soit peut-être lié à une phobie du bateau, le fait de devoir prendre le bateau à chaque fois. Et de... C'est une hypothèse, mais... Mais vous savez que je suis irlandais. Donc, le fait que les Anglais gagnent rien ne me complexe pas trop, quoi. Les Écossais, les Gallois et les Irlandais, c'est n'importe quelle équipe qui joue contre l'Angleterre, on est des fans. Mais tout de suite. Même si c'est Irlande du Sud, pour les Nord-Irlandais, on est fans. On les supporte, quoi. Parce que c'est un truc traditionnel et il faut respecter les racines ethniques et politiques, quoi. Et on est vraiment amusé que les Anglais parlent sans cesse de 66 quand ils ont gagné contre une équipe allemande assez nulle à l'époque. C'est dommage à cette époque parce que Portugal était extraordinaire. Le Portugal de Zébio, non? Ouais, ouais. C'est bien ça. Ouais, non, mais tombé trop tôt sur les bouchers allemands. Oui. Ouais, ouais. Ah, mais vous êtes à la hauteur, quoi. C'est impressionnant. Hein. Merci, Bobby. Vous n'êtes pas complètement nul. et pourtant, vous avez de l'air, quoi. Ouais. Ouais, oui. C'est notre secret. Magic, qu'est-ce que vous inspire cette prédiction? Le tonton Chris s'est pas trompé pour la première demi-finale. par rapport à la seconde, il voit un 2-2 du Bayern à Santiago Bernabéu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je suis toujours derrière Didier Drogba, il a toujours pas pris sa douche, il connaît visiblement plein de monde au Camp Nou qui l'aurait soupçonné. Didier, un mot pour Radio Galère, un mot pour Radio Galère, à Marseille. Didier, écoutez, excusez-moi, mais j'essaye d'avoir Didier Drogba. Il est en train de faire le tour de toutes les installations ici au Camp Nou. Il m'a promis tout à l'heure d'un petit geste comme ça qui viendrait vers moi. Donc je m'accroche. J'essaye d'avoir Didier. Un mot pour Radio Galère Marseille. Écoutez, il est encore occupé, je vous repasse la main parce que là ça va être encore un peu compliqué. On réessayera tout à l'heure, hein. On réessayera. Merci Magic, merci. Oui, bon, ça doit changer. C'était pas le Chelsea, mais bon, on n'était pas très loin. Bah, vous revenez Magic si jamais vous avez Didier, bien sûr. On parle de la deuxième demi-finale. On peut s'essayer au jeu des pronostics pour la deuxième demi-finale. Qui va rejoindre cette magnifique équipe de Chelsea en finale ? Des pronostics ou des commentaires ? Docteur Robert, est-ce que vous avez un avis sur la question ? Moi, pour une fois, je serais tenté de rejoindre Tonton Chris dans cette histoire de la crise du football espagnol. Je pense que ce sera un joli pied de nez à ce José Mourinho que je ne porte pas très haut dans mon cœur, qui n'affronte pas finalement Chelsea, son ancienne équipe, et qui ne la batte pas en finale. Mais on est toujours dans cette ambivalence terrible. Voilà, ni Real, ni Chelsea, ni Bayern. On ne peut pas vraiment imaginer. Bayern avant Real, mais 10 000 fois, quoi. Bayern. Parce que Ronaldo, il ne faut pas qu'il gagne quelque chose, quoi. Oui, mais vous oubliez, Robert, que nous, on est français. Et il y a Franck Ribéry. Et voilà, il y a Franck Ribéry, et il y a l'Allemagne, et il y a tout ça, voilà. Il y a beaucoup de gens derrière, quand même. Non, c'est pas... L'Allemagne, pour nous, compliqué. C'est un footballistiquement parlant, hein, bien sûr, bien c'est sûr. Un traumatisme. Mais Ronaldo, reste le plus grand. Je pourrais le taper peut-être. Pour l'exercice, quoi, pour le sport, quoi, pour ma santé, pendant des jours. Ronaldo, il faut dire Ronaldo. Non, Ronaldo. René. Il a l'abdo. Ronaldo. Courez après Didier, Magic. Oui, j'essaie de l'avoir, Didier. Mais Didier, mais il passe aux femmes maintenant. Didier, mais il a des femmes partout, c'est incroyable. Didier, non, mais excusez-moi, ça va pas être possible. Revenir sur un sujet un petit peu plus sérieux pour le moment. Le football ivoirien. Le football ivoirien qui est encore, une fois de plus, est passé à côté du sacre cette année, hein, dans la Coupe d'Afrique des Nations. Didier Drogba ne gagnera sans doute jamais la CAN. Non. Je pense que c'est terminé, oui. Voilà. Bon, mais donc, il lui reste la Ligue des Champions. Il lui reste la Ligue des Champions. C'est tout à fait possible. Au grand dam de notre invité, Robert ouais. McLean-Wilson, tout à fait. Mais bon. Ouais, c'est dur. Que faire ? Est-ce que Robert, une finale Chelsea contre Ronaldo, puisque c'est comme ça qu'on peut synthétiser. Ce serait assez beau, littéralement en parlant. Ouais, Chelsea ou Madrid ouais. Oh, Chelsea. Non, le truc de Ronaldo, c'est pas la phobie, c'est je suis allergique, quoi. Ma peau réagit à lui. Et avec un Terry qui a réussi à faire annuler son carton rouge et qui casse la jambe. Comme ça, je peux rien aimer ce mec, quoi. Un truc terrible. Meireles devrait s'en charger côté droit. C'est un compatriote, hein, Meireles. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est important, enfin, hein, oui. Chez les Portugais. On va ni confondre les Irlandais, les Anglais, non. Les Portugais, les Espagnols. On pourra. Meireles, c'est typiquement français, quoi. Un compatriote de Manuel Amor. On pourrait un petit peu parler de nos origines à tous. On pourrait en parler. Voilà. On va revenir peut-être à la littérature. Et pourquoi pas Jeanne d'Arc, ça serait d'actualité. Ouf. Alors là, en régie, on se lâche. On a eu un dimanche difficile par là-bas. Bon, nous aussi, ne vous inquiétez pas. On pensait avoir un message présidentiel pendant l'émission, mais on ne l'aura pas non plus, m'a-t-on dit. On ne l'aurait pas passé, de toute façon. De notre président à nous. Ah, oui. Bon, alors, quand même. On revient, Brett, à la littérature. Allez, revenons à la littérature. Qu'est-ce que je vous laisse... Je... Allez, j'attaque. Comme vous voulez. Nous lançons pour la première fois notre... après avoir traité du théâtre et du football et du cinéma et du football et de la philosophie du football, nous attaquons la littérature et le football avec B.S. Johnson. Vous connaissez B.S. Johnson ? C'est très très classe. Ouais. Ah, bah, ça tombe bien parce qu'on va en parler un petit peu. Ouais. Bah, c'est très chouette. Et donc, B.S. Johnson et son ouvrage les Malchanceux, en anglais The Unfortunates, qui est publié en 1969 en Angleterre. B.S. Johnson est un auteur plutôt méconnu, on peut dire ça comme ça. Même là-bas. Oui, même en Angleterre, et même un temps oublié en Angleterre, alors que même certains de ses pairs le considéraient déjà de son vivant comme un des auteurs les plus talentueux de sa génération. Victime de son insuccès et de problèmes familiaux, il se suicidera en 1973 à 40 ans, après avoir embrassé une carrière de chroniqueur sportif et écrit 7 romans, dont... celui dont on va parler ce soir avec Brett, Les Malchanceux, c'était son 4e roman. Donc, fortement autobiographique, ce roman à feuillet libre et à lecture aléatoire raconte le retour d'un chroniqueur sportif à l'occasion d'un match de football dans une ville qu'il a bien connue. Il y avait fait la connaissance de Tony, son vieil ami décédé depuis peu, et ce retour lui donne l'occasion de se remémorer les temps passés en sa compagnie. Ce roman révolutionnaire par sa forme, aujourd'hui courageusement édité par les éditions Quidam, qu'on salue pour leur travail, traduit par Françoise Marel et introduit par Jonathan Coe, est présenté sous la forme d'une boîte contenant les feuillets dans laquelle est proposé un mode d'emploi, qui est celui-ci, Brett. Donc ce roman possède 27 sections temporairement tenues ensemble par un bandeau amovible, exception faite du premier et dernier chapitre, indiqué comme tel. Les 25 autres peuvent être lus dans n'importe quel ordre. Si le lecteur préfère ne pas accepter l'ordre dans lequel il a reçu le roman, qu'il se sente libre de le réarranger avant lecture, dans l'ordre que lui offrirait le hasard. On va en écouter un extrait. Magic, vous nous en parlerez après, parce que vous avez réalisé pour nous le doublage en français des extraits que nous vous passerons. Et on vous laissera donner vos impressions sur ce texte. On écoute. Always, at the start of each match, the excitement, often the only moment of excitement, that this might be the one match. The match in which someone betters Joe Payne's 10 goals. Where Hughie Gallagher, after being floored, nods one in when sitting down. Where the extraordinary happens. Something that makes it stand out. The match one remembers and talks about for years afterwards. The rest of one's life. The one moment. The one match. En début d'un match, toujours cette excitation. C'est bien le seul moment d'ailleurs. L'impression qu'on va assister au match du siècle. Le match au cours duquel le record de 10 buts de Payne va être battu. Au cours duquel Hughie Callagher, après avoir été poussé au sol, marque un but de la tête dans sa chute. Au cours duquel l'extraordinaire se produit. Un truc incroyable quoi. Le match dont on se souvient et dont on parle des années plus tard, le reste de sa vie. L'instant unique, le match unique. Does this bloody reporting affect, destroy even, my own interest in language? Sometimes I feel I have mislaid perhaps, not lost, something through this reporting. Using under the pressure of deadlines the words which first come into my head, which isn't good. Relying on the chance of real words which may come in the 2 hours only of a match and the writing about it. Oh, what the hell. Ce boulot va finir par foutre en l'air mon amour de la langue. Parfois, j'ai l'impression d'avoir égaré peut-être, sinon perdu quelque chose en écrivant ces comptes rendus, sous la pression du délai. Je garde les premiers mots qui me viennent à l'esprit, mais ça peut pas marcher. on ne peut pas compter sur la possibilité qu'ont les mots de surgir simplement de manière aléatoire dans les limites imposées par la durée d'un match et de l'écriture d'un article. But I know this city. This green ticket hall. The long office half rounded at its ends. That ironic clerestory. Brown glazed tiles, green below. The same. The decorative crossbeam supporting nothing above. Of course, I know this city. How did I not realize when he said, go and do city this week, that it was this city? Mais je la connais, cette ville. Le vert. C'est bien cette salle des guichets. Et ce long bureau en demi-cercle. Cette claire voie ironique. Les carreaux de faïence brun et vert en dessous. Rien n'a changé. Même ces poutres martelées, purement décoratives. Elles ne soutiennent rien, enfin au-dessus. Je la connais, cette ville. Comment n'ai-je pas compris lorsqu'il m'a dit « Allez, tu découvres City cette semaine ?» qu'il s'agissait de cette ville. Tony. His cheeks sallowed and collapsed around the insinuated bones. The gums shriveled, was it, or shrunken? His teeth now standing free of each other in the unnatural half-yawn of his mouth. Yes, the mouth that had been so full-fleshed, the whole face too, now collapsed, derelict. The thick-framed glasses, the only constant. The mouth held open as in a controlled scream, but no sound. The head moving only slightly. The white, dried and sticky saliva, the last secretions of those harassed glands, cauterized into deficiency. His mouth closing only when he took water from a glass by his bed, that double bed in his parents' house, bungalow. Water or lemon he had to take frequently because of what the treatment had done to his saliva glands, how it had finished them. Him! Us! Tony. Ses joues au teint cireux, on dirait qu'elles s'écroulent. Des os saillants. Et ses gencives rétractées, et même resserrées, je dirais, les dents déchaussées quand il baille, obligé, sa bouche. Oui, cette bouche, autrefois tellement charnue, comme le reste du visage, oui, et qui croule maintenant, qui s'écroule. Les lunettes en étaient bien, avec leur monture épaisse, l'unique repère, cette bouche ouverte comme un cri que l'on contrôle, un cri muet. La tête encore animée de légers mouvements. La salive blanche, sèche et visqueuse. La dernière sécrétion. Bungalow. De l'eau et du citron. Aussi souvent que possible, à cause des effets du traitement sur ses glandes salivaires, à cause de la manière dont il s'était définitivement occupé d'elle. De lui. Magic, vous nous entendez, Magic? Oui, oui, je suis toujours là. Écoutez, c'est incroyable. C'est incroyable ici au Camp Nou. Il y a plein de gens. Et devinez qui est tout seul? Qui est tout seul? Lionel Messi. Lionel Messi qui est sorti des vestiaires. Vous avez une interview de Lionel Messi, alors? Bah, écoutez, je parle pas espagnol, mais je parle pas catalan, ni argentin, ni rien du tout. Mais à le voir juste comme ça, il est député. Il est député. C'est hallucinant. On peut le toucher, le voir comme ça. Et il dit rien. Il dit rien. Il est abattu, on le sent tout seul. C'est hallucinant. Magic? Oui. Bah, oui. Vous vouliez intervenir, non? Non, je trouvais qu'il détournait beaucoup la question. Il était censé parler du texte dont il a fait le doublage. Magic, vous avez fait le doublage du texte de B.S. Johnson qu'on vient d'entendre. Vous pouvez éventuellement nous donner... C'est un texte que vous, il faut être honnête, que vous découvriez à cette occasion. Mais vous pouvez peut-être nous donner votre impression de ce texte, justement. Ouais. B.S. Johnson, là, ouais. C'était pas mal. Écoutez, j'avais l'impression d'entendre parler un écrivain, là, comme Monsieur Robert. Et c'était pas mal. Il était quoi? Il était journaliste, c'est ça? Il était journaliste. On sentait bien... Ouais. on sentait bien disons l'époque un peu reculée de l'Angleterre et tout ça là qu'on perçoit. C'était pré-Thatcheriste quoi. C'était un peu à l'époque. Hein. Magic, si vous me permettez, j'aimerais vous soulager. Il ne s'agit pas de Ben Johnson, hein, cet athlète auquel on a retiré la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul pour le plus grand bonheur de tous. Hein, et des Américains. De Carl Lewis, en tout cas. Bon, il y avait quand même des athlètes russes qui auraient peut-être pu, comme notre Irina Frédéric Privalova, Lemaître... leur tenir la dragée haute, ce n'est pas le cas. Donc non, il ne s'agit pas de Ben Johnson. Hein. Ah, bon, c'était pas un noir. Je vous avoue ne pas trop m'intéresser à ces... Et pourtant, moi, dans la lecture que j'ai faite, écoutez, j'avais l'impression de le sentir, le noir. Mais bon, moi, voilà, ouais, excusez-moi, reprenez. Je vais essayer d'avoir Didier. Essayez d'avoir Didier, Magic, et on revient vers vous après. Robert, vous avez deux mots à nous dire sur B.S. Johnson, peut-être ? Moi, j'ai un peu senti le noir dans B.S. Johnson aussi. Hein. Il n'était pas si blanc que ça, et certainement pas si anglais que ça. Non, c'est un grand écrivain. Un peu excentrique, un peu spécial, mais ça vaut énormément le coup de le lire. Je ne sais pas comment c'est en français, c'est un truc assez difficile à traduire, mais... par exemple, ce truc de mettre en ordre le bouquin toi-même, c'est pas un geste à la con, quoi. C'est vraiment quelque chose qui compte et c'est si bien écrit que ça marche dans n'importe quel autre. Et c'est un truc de prendre au sérieux le lecteur. Il était assez humble en même temps, quelqu'un hyper déprimé et phobique. Oui, il avait envie de se suicider et il s'est suicidé. Il est revenu, oui. Ouais, voilà. Donc, typiquement, un écrivain anglophone. C'est peut-être l'occasion vite fait de dire un mot sur les éditions Kidam aussi. Oui. On en parlait hors antenne, mais vrai. Qui donc publie B.S. Johnson et d'autres, et éditions remarquables. Bah, c'est des éditions remarquables, menées par quelqu'un qui est tout seul maintenant. Ils étaient deux jusqu'à... Oui, Robert. Y compris Alistair Gray. Non, ils n'ont pas publié. Édition Métayer. Voilà, c'est les éditions Métayer. Mais ils ont publié d'autres Britanniques, comme un certain Nick Barley, dont on reparlera peut-être un jour prochain. Mais ils publient aussi des textes de langue allemande, donc traduits bien sûr, et souvent des objets un peu ovnis, un catalogue hyper difficile, mais assez génial qu'avec Brett, on soutient de toutes nos forces. Il y a une préoccupation un peu formelle, ce qu'on retrouve avec B.S. Johnson, justement, où il y a quand même un travail sur la forme en général. Et je crois que Kidam, en général, il y a cette question de la forme au service du fond, mais qui ne sont pas des formes esthétisantes, en tout cas. On peut penser à ce poète allemand aussi, la Brinkmann, qui a fait ce livre incroyable qui s'appelle « Rome Regard », que les éditions Kidam aussi publient et... Mais c'est un peu synecdoque, dans le sens que ça... synecdoque, la partie pour l'entier. Oui, c'est ça. Que s'il publie quelqu'un comme B.S. Johnson, ça veut dire qu'il fait cadeau aux Français. Quoi, parce que sinon, ça ne serait pas traduit. Quoi, parce que c'est à peine publié en Angleterre maintenant. Donc c'est vraiment un cadeau. Vous êtes assez chanceux. Mais on le prend comme tel. Pour un livre qui s'appelle Les Malchanceux, c'est bon. Ouais, voilà. Et alors, on a vu en préparant aussi cette émission que B.S. Johnson avait aussi fait œuvre cinématographique, un peu, qu'il était donc, on le disait, chroniqueur sportif. Et alors moi, j'ai lu, Brett, vous me corrigerez, qu'il avait été contacté au départ pour réaliser, ou pour du moins scénariser un film sur cette fameuse Coupe du Monde de 1966, et qu'il a été exclu en cours de Coupe du Monde parce que le projet était trop nébuleux et complètement incompréhensible. Vous êtes au courant de cette histoire ? Non, mais j'imagine très bien qu'il n'est pas trop apte à ça, quoi. À fêter le nationalisme ou le fait que l'Angleterre a gagné. Non, mais c'est pas trop son genre. Au niveau filmique, il y a un film qu'on peut voir sur Internet qui s'appelle Fat Man on the Beach. Ah ouais, ouais, ouais. Quand même quelque chose. Non, quoi. Mais tout à fait. Hein. C'est sombre. Il y a un truc de l'époque en Angleterre où il y avait un regard qui était à la fois un peu déprimant, grisonné, sombre, c'est le mot juste, mais en même temps vif. Et ludique. Ouais, on sent qu'il y a cette tentative de rigoler, de faire quelque chose de drôle. Voilà, en même temps, on sent un désespoir assez. Et je trouve ça assez beau. Ouais, tout à fait. Mais sombre, ouais. Pour rebondir, docteur, il semblait qu'à ce moment de l'émission, vous vouliez faire intervenir un débat. Football et culture, même britannique, le grand écart. C'était un peu ça le thème du débat que vous vouliez lancer. Oui, non, c'était un jour en pratiquant le football avec mon ami Magic, car il nous prend parfois le lundi de caresser le cuir. Et donc, à cette occasion, voyons un grand écart de Magic, parce que Magic, comme vous le savez très bien, quand vous consulterez notre blog, donc qui est disponible en ligne, vous verrez que Magic a des fameuses roulettes et que parfois, sa roulette lui échappant. C'est un grand écart. Bon. Pas la roulette russe. Voilà. Et oui, Magic. Les grands parfois finissent au tapis. Lionel Messi ce soir, Magic parfois. Parfois. Parfois. Pas souvent, parfois. Mais parfois. Beaucoup moins souvent, parfois. Peut-être que le petit homme. De belle manière en général. Mais en général, de belle manière. On sait qu'il nous est reconnaissant de parler de lui de cette manière, en tout cas. Et en parlant des Johnson, son nom est hommage à Magic Johnson. Magic Johnson ? Non ? Peut-être. On sait ou pas ? Il a un petit peu la même coupe de cheveux maintenant que Magic Johnson à une époque. Mais Magic Johnson, dans mon souvenir, j'ai peu regardé le basketball dans ma vie, mais Magic Johnson était plutôt un distributeur de jeux. Ouais, c'est ça. Ce qui ne peut pas être vraiment le cas de Magic Dwima, qui est plutôt un créateur et un détonateur. Voilà. Mais parfois un confisqueur. Ce n'est pas exactement le même type de bonhomme. Mais je ne crois pas que ce soit l'émission pour régler les problèmes. Droit de réponse. Oui, écoutez, les plus grands artistes sont les solistes, je crois. Merci. erreur, Magic. Mais... Je crois que le football se joue à 11 et on a vu ce soir que, on verra demain peut-être que les Allemands, pour reciter une nouvelle fois, trois semaines après notre ami Lineker, vous pourrez peut-être éventuellement nous parler, les Allemands sont certainement les plus forts à cela. Voilà. Mais c'est bien triste. Et qu'est-ce que c'est le problème avec Ribéry ? Pourquoi vous n'aimez pas ? Ah. Ribéry. C'est son histoire avec les putes C'est plutôt la façon qu'il a eu de se justifier de ce genre d'histoire ou c'est, je sais pas trop. Il faut départ de l'OM. Déjà parce qu'on est Marseillais, oui. D'accord. L'histoire n'est pas. C'est quand même à l'OM qu'il a réussi. C'est quoi OM ? L'OM, Olympique. Il y a une équipe ici ? De foot ? Il y avait une équipe. Ah, mais non. On vous laisse répondre, Magic. Une des 8 meilleures équipes européennes cette année. Non, mais écoutez, je voudrais juste réaffirmer au roast beef là, que le problème avec Ribéry, c'est que vraisemblablement, sa religion ne correspond pas à tous ceux qui aiment le foot. Magic, ce soir, vous êtes sur un terrain glissant, qui est le vôtre. Mais vous êtes proche des vestiaires aussi, c'est ça. Il y a beaucoup d'humidité et... Ça se meinte, non, là-bas ? Non, mais j'ai pas trop... Écoutez, j'attends Didier, là. Mais j'attends toujours. Alors, on peut revenir deux secondes sur B.S. Johnson aussi, peut-être. C'est-à-dire qu'on n'a pas poussé nos recherches complètement assez loin pour aller voir son travail journalistique, et notamment à propos du football. Est-ce que vous, Robert, vous avez lu des choses de lui concernant le football, déjà, ou... Je ne connais pas son journalisme. D'accord, non. Ok. Après, peut-être que je me trompe, mais il était quand même chroniqueur sportif, pas journaliste. Enfin, après, je pense qu'il avait l'air de dire, notamment pour les matchs en soi, qu'il fait des chroniques de petits matchs. Il a fait ça, mais il a fait aussi, que je connais un peu plus, la boxe anglaise. D'accord. Et ça, c'était très, très, très bien fait. Qu'il avait d'accord. Quelle manière, alors, de parler de sport, un peu de... Chez la boxe, c'était un truc à la fois respectueux des racines des boxeurs en termes de classe qui est Grande-Bretagne était assez limpide. C'était que les prolétaires. Et c'était un sport prolétaire par rapport aux joueurs, mais aux spectateurs aussi. Pas par essence, me semble-t-il, vu qu'on parle de noble art. Ah, mais ça, c'est hyper. C'est même pas 19e, c'est 18e. Que c'était que pour les gens de public school, les aristocrates. Et la reste, c'était la bagarre, quoi. Mais après. Le 19e, c'est devenu très, très vite une façon de s'exprimer pour les prolétaires. Ils ont dominé le sport très, très vite, assez violemment, un peu comme, bizarrement, le cricket. Et c'était un peu la même chose. Et là, c'est très, très bien fait. Assez dramatique, pas très typique de lui. Il passe à un truc assez épique, dans le sens que c'est parfois un peu Seigneur des Anneaux, parfois. Mmh. C'est un peu, il arrive, et tout le monstre à la fin. Mais c'est marrant. Il était limpidement assez ému par la boxe aussi. Ouais. Et dans... C'est pas très étonnant, ça. Dans l'écriture anglophone, franchement, par rapport au sport, c'est la boxe qui gagne. Mais grave. Ouais. Ouais. Il y a des très bons écrivains qui ont pas mal écrit des très, très bons trucs. Oui, chez les Américains aussi. Moi, j'ai lu Nick Toshiz, par exemple, qui a écrit un truc superbe. Et Norman Mailer aussi. Et Eugène Robinson. Eugène Robinson, dont on a déjà parlé plusieurs fois. On n'en reparlera pas forcément, mais... Non, pas tout de suite. Mais c'est vrai que lui, il évoquait, Eugène Robinson, l'idée que, parce que c'est un chanteur d'un groupe qui s'appelle Oxbow, un groupe américain, et qui aussi pratique le free fighting, et qui écrit également. Et il décrivait, lui, la boxe et la bagarre comme quelque chose qui faisait partie de son apprentissage et de sa vie, puisque, comme au 19e, il disait, on apprenait à... le latin, le grec et la boxe. Bon, c'est peut-être le moment choisi pour faire une transition, passer un sujet peut-être. Oui. En parlant de la boxe, moi je connais un boxeur de pied notamment, bien connu dans le championnat britannique, Eric Cantona. Tout à fait. Eric Cantona, dont je crois que vous le portez très haut dans votre cœur, D'après toujours cette magnifique interview. Chez SoFoot, vous aviez des mots très très durs pour Eric Cantona. Et des mots plutôt élogieux à l'égard d'un certain Thierry Henry, d'ailleurs. Peut-être que l'avenir vous a fait changer d'avis. En tout cas, chers auditeurs, tout de suite un nouveau sujet pour notre rubrique cinéma et football, Brett. Oui, donc, après avoir évoqué John Huston la session dernière, nous allons rester ce soir en Angleterre avec Ken Loach, qui consacra plusieurs de ses films au football. On pense notamment à My Name is Joe, dont nous parlerons peut-être une prochaine fois, et en particulier ici à Eric Cantona avec son film Looking for Eric, sorti en salle en 2009. Ce film raconte les turbulences lochiennes de son personnage Eric Bishop, fan absolu de Cantona. En difficulté dans sa vie privée, Eric Bishop commence à avoir des visions de son idole avec laquelle il dialogue et qui finira par le coacher face à l'adversité. Incroyable, non ? C'est vrai, 60 000 personnes qui te regardent, qui t'acclament et qui scandent ton nom. Ça fait peur, ouais. Toi, avoir peur ? Ouais. Jamais. Peur de pas être au top. J'adorais surprendre la foule, tu sais. Je voulais à chaque fois, à chaque match, avoir un cadeau à leur offrir. Parfois ça ne marchait pas, mais quand j'y arrivais... Ça nous marquait pour la vie. Mais d'abord, je devais me surprendre moi-même. Prendre un risque. Tu sais, tout dépend des limites qu'on se fixe. Si tu joues la sécurité, pas de risque. Tu vois. Tu te souviens de Sunderland ? Ah, c'était de toute beauté, magnifique. C'était du ballet, de la danse. Il m'a fait rêver longtemps ce but. Qui sollicite une 2 avec Cantona. Cantona la frappe en pleine lucarne. Et c'est le but, c'est du génie de la part d'Eric Cantona. C'est tellement bon que ça vous fait oublier tout le merdier de votre vie pendant des heures. Thank you. des matchs. Il n'y a pas d'autre endroit où on puisse gueuler ou se laisser aller sans se faire arrêter. Crier et rire à fond. Ouais. Et même pleurer. Ouais. On voit des Anglais s'embrasser. Ah, il n'y a pas d'autre endroit où on puisse chanter à tue-tête avec tous ses potes. Pas vrai. Ça aussi, ça me manque. Ça doit faire 10 ans que je suis pas allé voir un match. Alors, ok. Le plus grand moment de ta vie. C'était pas un but. C'était forcément un but, Eric. Non. Enfin, la dernière minute de la FA Cup, la finale contre Liverpool. Beckham tire le corner. Le goal sort de la cage et renvoie le ballon. Tu amortis du torse, il rebondit et boum, tu tires direct dans le filet. Non. Wimbledon. Je suis sûr que c'est Wimbledon. Tu te rues vers le ballon. Le ballon s'amène et toi, tu évalues toute sa trajectoire. Et aussi l'angle de son tir, la façon dont il tourne, la vitesse du vent, la direction de son souffle, tout. Tu avances le pied droit et tu bloques le ballon. Il rebondit sur la partie haute de ta jambe. Et là, tu frappes le plus beau tir du monde. Elle est dedans. Et c'est le but. Oui, c'est forcément un but, Eric. C'était une passe. Une passe? Oui. Mon Dieu. Irwin. Et contre Spurs, c'est ça? Magnifique! Je savais qu'il était malin, qu'il jouait des deux pieds. Ça a été un flash. J'ai frappé de l'extérieur du pied. Ça a surpris tout le monde. Il a réceptionné. Et mon cœur a bondi. Un cadeau? Ouais, comme une offrande. Au grand dieu du football. Et s'il l'avait loupé? Il faut faire confiance à ses coéquipiers. Toujours. On n'est rien sans eux. Ça a dû être super dur quand tu t'es fait suspendre. 9 mois, les salopards. Ce con avait eu ce qu'il méritait. J'ai dû prendre sur moi, tu sais. Elle est vraiment louée. Il me fallait quelque chose pour remplir le vide quand je me sentais seul. Un but, un truc qui m'aide à tenir. C'est drôle, tu sais. On oublie quelquefois que tu n'es qu'un homme. Je ne suis pas un homme. Je suis Cantona. I'm not a man, I'm Cantona, docteur. Moi, en fait, bon, on laissera la parole à Brett et à Robert un petit peu après. J'ai envie de discuter avec vous de Cantona. Moi, dans ma jeunesse, j'étais assez fan de l'homme, assez fan du bad boy un peu et du joueur aussi, je dois l'avouer. Non, c'est évident que Cantona, ça fait partie de ces mythes, peut passer à la postérité en équipe de France et on peut le regretter car en général, on aime bien tout de même qu'un de ces joueurs emblématiques puisse s'illustrer dans leurs équipes nationales. Donc c'est vrai que c'est un petit peu triste ce destin brisé. Génération Gérard Houllier, hein, avec JPP, oui. Avec Vincent Guérin, des beaux joueurs comme ça, des Franck Sauzet peut-être. Beaux joueurs, oui. Oui, bon, la différence, c'est que peut-être que notre ami Eric avait la potentialité, que ce soit en 96, déjà, d'être sélectionné pour l'Euro. C'est vrai. Il ne l'a pas été. L'Euro anglais, il ne l'a pas fait. Euro anglais, dont on notera d'ailleurs à l'occasion que les joueurs anglais n'avaient pas besoin de prendre le bateau et n'ont tout de même pas, ils ont pas gagné. Réussi à le remporter. Non. Donc... Voilà, moi je suis un peu triste pour Eric quand même, qui depuis a quand même fait quelques belles saloperies. Mmh. Voilà, par exemple, ces histoires de retrait à la banque, toutes ces postures d'Eric ne sont pas forcément à mettre à son crédit. En faisant une très belle publicité pour la marque Couples. Qu'on ne citera pas. On ne citera pas. Voilà. La marque Couple. On va la citer même encore une fois s'il faut. Mais on attendait plutôt voilà. Son frère sur ce genre de terrain-là. Il était voilà. Un bien moins beau joueur de foot. Joël, type. Jouait à l'OM lui aussi. Ouais, tout à fait. Bon. Plutôt businessman quand même. Bon, ils n'ont pas non plus fait ce qu'il fallait à mon avis. Robert, Eric Cantona. En anglais, il est extraordinaire, son anglais. J'ai jamais entendu pareil. On est très, très habitué aux accents étrangers. On n'est pas complexé là-dessus. C'est une langue globale. Tout le monde le parle. Et donc, on ne se moque pas des gens qui balbutient un peu. Mais Cantona, c'était quelque chose de spécial, quoi. Mais après 8 ans en Angleterre, il n'était pas capable de dire Hello, my name is Eric fucking Cantona. Mais quel con, quoi. Mais c'est triste. Il était handicapé, hein. Et moche comme une bulldog en train de mâcher une guêpe, quoi. Mais le mec. Et aussi, il a joué pour Manchester United. Et Leeds. Ouais, ouais. Putain, mais Leeds. Mais direct aux deux équipes les plus facho en Angleterre, quoi. Donc, est-ce que c'était par hasard ou pas? Je me demande. Et, bon. Mais à part ça, il est adorable. Voilà. À sa décharge, il arrive à Leeds parce qu'il a vraiment le souhait de quitter la France aussi, je crois. Parce qu'il reste combien de temps à Leeds? Il reste un an ou deux? Non, c'était deux. Ouais. Deux. Et ouais. Puis il a baisé. Oups. Il y avait des histoires qu'il a baisé la femme de capitaine de Leeds, c'est ça. Il n'y a personne qui écoute cette radio. Si, non si. Il n'y a pas des avocats qui. Eric Cantona, qui par exemple vit dans la région, ah. Nous écoute régulièrement. Ok, mais je passe mon numéro. Non, rassure-toi, Bob, on est tranquille, on est entre nous. on craint rien vraiment ici, dans notre bunker. Et puis il n'est pas raciste, Cantona. Hein. Quand, ah ouais. Quand tu vois sa femme. C'est pas sûr qu'il soit raciste. Hein. On peut être facho sans être raciste. Hein. Oh là là. Ouais. Ça, c'est la question pour cette semaine, quoi, en France. Ça prouverait donc qu'il est intelligent. Il y a un joueur italien qui vient de dire ça, justement. Balotelli serait facho. Non, un vieux type qui dit, justement, je suis fasciste, mais pas raciste. Et il insiste vraiment sur le fait qu'il soit fasciste. Il veut absolument respecter la loi et la morale, mais qui n'est pas fasciste. Qui fait le salut fasciste pour dire « je me signifie ». En tant que tel, mais je ne suis pas raciste. J'aime les noirs. Et les autres couleurs de peau. Je ne veux pas le défendre. Il est blanc, non ? J'imagine. Cette distinction oui, on peut se faire. Est blanc, bien imagine, sûr qu'il voilà. Est blanc et tatoué. Il a Mussolini tatoué sur le bras. Et mais c'était voilà, c'était juste pour... Mais oui, je pense ouais. Que ces gens utilisent ces systèmes, ces termes un petit peu ambivalents et pas tant fixés que sont facho ou fasciste pour profiter de ça. Et se déclarer non raciste. Et en général, on a derrière des gens qui sont quand même des gros fachos, des gros racistes et des gros. Non, évidemment, docteur, ça va. C'était pas pour défendre la position. J'avais lu ça. J'avais juste envie de gueuler. J'ai trouvé un type qui était capable d'insister, enfin, je veux dire, de vraiment défendre et d'insister, vraiment de dire je ne suis pas raciste, mais fasciste. On connaît la rhétorique et la facilité qu'il y a à se lier à un mouvement qui est le mouvement fascisme en disant le mouvement fascisme n'a jamais interdit aux Noirs, il n'y en avait pas, quoi que ce soit. Bon. Hors jeu. Facile. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de notre sujet de départ qui est Eric Cantona. Et qui est culture et football. Parce qu'Eric Cantona, on peut en parler, qui est maintenant un acteur reconnu en France. Pas que dans la publicité, ouais. Bien sûr. Voilà, bon, nous, on a un peu de tendresse pour le joueur de foot, on le disait tout à l'heure. Mais moi, j'avoue, il n'était pas nul. Ouais. Bon. Comme joueur. C'est déjà ça. C'est un sujet dont on n'a pas grand-chose à dire de plus. Hein. C'était le clin d'œil. On peut. On parlait de Thierry Henry tout à l'heure. Alors, Thierry. Robert, ancien défenseur de Thierry Henry, a l'air prostré. Dans cette interview, ouais. Vous parlez d'un intellectuel. Vous parlez de quelqu'un d'un peu. Ah non mais. Quand je suis arrivé en France, j'ai dit qu'il était hyper chic en anglais, il était hyper intelligent. Et tout le monde m'a dit « Ah, mais pas du tout ». Et j'ai trouvé ça hyper raciste. Ah. Mais j'ai jamais entendu Thierry en train de parler français. Et j'avoue que ça procure en effet pas comme son anglais, quoi. En anglais, il est intellectuel, en fait. Il est extraordinaire. Il est éloquent. Il est incisif. Il est vif, quoi. J'avoue qu'en français, ça, c'est pas tout à fait pareil. Mais tous les Anglais, tous les Irlandais, tous les Écossais sont amoureux de lui. Il est revenu à Arsenal, là, il y a quelques mois. Oui, il a marqué un but. Et, oui. Et dans le Guardian, ça lui donne le lendemain, c'était 800 commentaires de... Ok, I'm going gay for him. J'ai devenu pédé pour lui. Mais c'était juste l'amour, mais pur. Le mec, il est... Et en plus, son nom est devenu logo pour Gerbé, en anglais. Ah ouais ? Thierry Henry ! Voilà. Et donc, non, parce que c'est le son pour les anglophones. Comme nous, le Raoul. Ouais, voilà, Raoul. Thierry Henry ! Il a une statue, maintenant, à Arsenal. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est quand même pas mal. Non, mais il est un dieu à Londres. Il est un dieu même à Portsmouth. Oui. Et même pour un Irlandais, alors. Ah oui, oui. Irlande Sud, je m'en fous, quoi. Ah, ok. Je m'en fous grave. Mais tant mieux, hein. Bien fait pour eux. Non, non, mais il est juste... Il a fait 10 ans hein, dans le Premiership et pourtant, il a joué avec... Ah, putain, l'Hollandais. Bergkamp. Bergkamp, qui était peut-être le meilleur joueur de l'histoire de Premiership. Mmh. Et le fait qu'il était à la hauteur, c'était extraordinaire. Et c'était raté pour la France parce que, je ne sais pas, les entraîneurs, parce que je ne sais pas. Mais il était sublime. Et vous êtes gâtés et nuls que vous n'avez jamais compris. Oui, mais on a eu Zinedine Zidane. Non, mais ok, yeah, ouais, okay. Pour revenir sur Bergkamp, Bergkamp n'avait pas la phobie du bateau, mais la phobie des avions. Tout à fait. Ouais. Qui est raisonnable. Oui, ce qui l'a empêché de jouer quand même certains matchs importants. En Moscou. Oui. Non, non, mais il est toujours allé en bagnole hein, ou en train. Non, non, pas toujours. Pas toujours, je crois qu'il y a des matchs si qu'il a pas joué. Loin. Oui, oui. Ah oui, il a partir du moment où sa phobie s'est déclarée, il y a plein de matchs qu'il n'a pas fait. Magic, tu voulais dire pardon, mais Magic, on t'a coupé. Magic, vous êtes avec Didier, peut-être. Oui, ouais, non, mais on connaît la réputation de Bergkamp. Hein. Les Noirs, lui, c'était pas son truc. Hein. Je crois que ça a été un peu dit. C'était dit, ouais. Oui, je crois. Même par ses collègues. Ouais. Oui. Gros problème dans l'équipe de Hollande. Vous avez raison de le souligner, puisqu'on en parlait, vous avez raison de le souligner. Voilà, on peut mon cher Magic. Les Caraïbes néerlandaises, mais il faut parfois les porter au nu aussi. Mais c'était Schmeichel aussi, le gardien pour Manchester. Ah oui, il était aussi limite. Ouais, ouais, ouais, ouais. Il y avait quelques joueurs britanniques qui ont dit ouais, il est hyper Pete. Blanc, quoi. Ce n'est pas le cas du Sporting de Bastia, et on les félicite. Alors bon, docteur, notre émission touche à sa fin. On ira vous, docteur. Grosso modo. On va vous présenter quand même, parce que je crois que c'est toujours bien. C'est toujours bien de vous présenter, docteur. J'apprécie. Donc on rappelle pour les auditeurs qui nous découvriraient pour la première fois, rares sont-ils, que vous avez une activité de chorégraphe, mais que vous êtes en plus spécialiste des questions géopolitiques concernant le football. Et on vous a demandé, déjà depuis le début de notre aventure en commun, de cette émission des bâtons d'Anguirou, de vous pencher à chaque fois sur ces questions géopolitiques et donc ce soir sur ce match Chelsea, enfin plutôt Barcelone-Chelsea et je crois plus spécialement sur Chelsea. Je vous remercie. Donc ce soir j'ai choisi de parler de Chelsea vu que c'est l'équipe qui a gagné. Bon, je l'avais évidemment pronostiqué. Donc, alors que je réfléchissais au contenu de ma chronique, aux durs propos par lesquels je ne manquerai pas de vilipender cet archétype de club sans âme, de football désincarné, au palmarès né de quelques facéties d'oligarques en mal de sensations populaires, tels que soi-disant le football britannique sait si bien les faire vivre, et ce malgré le cruel désaveu de l'ambiance familiale des stades de Première Ligue, alors que je m'échinais à trouver un quelconque intérêt à cette chronique, donc, pour être franc, un détail me revenait à l'esprit. Chelsea. Chelsea n'était-il pas le prénom de la fille d'un des plus glorieux dirigeants anglo-saxons, dernier représentant du Nouvelle Gauche, qui tint comme seul pari l'exploit de réhabiliter Margaret Thatcher dans les mémoires vermoulues de ce début de millénaire. Lancé sur une piste qui ne manquerait pas de relever ma chronique d'inestimables références politiques dans une période propice à ces évocations, je pianotais sur mon clavier le prénom Chelsea, auquel j'accolais le patronyme Blair. Miracle de la modernité, mon moteur de recherche avait déjà référencé Chelsea Blair et je partais sereinement en quête des croustillants détails qui feraient probablement les délices de ma chronique. Chelsea Blair disposait donc d'un site dévolu à son aimable personne et je ne prêtais guère attention, trop accoutumé, certainement, aux jeunes filles trop peu vêtues sur le côté droit de l'écran qui s'essayaient à me distraire, prétextant résider sous le registre du strict célibat les proches localités d'Allo ou de l'Estac. Je ne fus pas non plus trop prompte à m'offusquer de l'interdiction faite aux moins de 18 ans d'en connaître davantage sur l'éphémère comparse des quasi-divins William et Harry, jeune femme certainement trop tôt rendue à sa classe. Dès la page d'accueil, Chelsea me dévoilait son intimité, son regard bleu ardent, et sa délicate poitrine rebondit. Je me féliciter de cet exquis cadeau du bon Dieu, signe malgré tout de la noble ascendance de cette rejetonne de l'intelligentsia britannique. On était certes loin du ballon rond et de sa géopolitique, mais ces quelques pixels bien agencés attisaient ma curiosité. Point de mini-short ni de mini-jupe à l'horizon, j'en vins donc à vouloir sonder plus bas ce maudit gazon. J'actionnais donc la molette déroulante de ma souris vers le bas quand « Caramba, caramba !» Et rarement, terme n'a été plus adéquat. « Caramba, caramba !» Il y avait un pénis en position érectile, qui n'avait rien à envier du point de vue des dimensions aux atours du haut de Chelsea, à cette poitrine partageuse dont je m'étais persuadé l'unique destinataire. Mon sang ne fit qu'un tour et je restais là, saisi d'effroi par cette troisième voix imaginée par son père et que Chelsea Blair avait prise au mot. Quelle semaine passais-je, chers auditeurs, perclus de remords à l'idée de vous confier ce terrible scoop. Scoop, ce terrible scoop. Échafaudant ainsi ma gloire par d'odieux racontards. Que diable m'étais-je alors mis en tête de me répandre dans l'analyse footballistique délaissant le cours harmonieux de mes compositions chorégraphiques. Tout plutôt que de lever ce lièvre trop facile, il fallait en finir avec Chelsea, ou pour le moins revenir à des ragots plus consensuels. Il y avait tant à dire sur cette équipe Oni, longtemps incarnée par l'arrogant Mourinho, et qu'Abramovitch, son mécène, ne rendait pas moins pathétique. Du transfert foireux de Torres au doigt d'honneur d'Anelka, en passant par les aventures extra-conjugales de Terry, tout semblait pourtant réuni pour une fantastique chronique, si ce n'était cette intuition diabolique. Quand soudain, intercession du Saint-Esprit, et je vois déjà se dessiner dans mon micro les mines déconfites, désabusées, circonspectes, bien évidemment suspicieuses même de certains auditeurs aguerris à ces subtiles retournées dont seul je possède les ficelles. Ce salut me grittait de la foudre. Chelsea Clinton ! Chelsea n'était en rien la fille Tony Blair, mais bien celle d'un homme et désormais d'une femme bien plus puissant que le vil caniche de Downing Street. Chelsea Clinton, la vraie, était allée à l'université de Stanford. Ultime hommage à Stamford Bridge, où résonne l'épouvantable ritournelle des blues. Chelsea, Chelsea, Chelsea ! Chelsea, un être humain comme les autres, encore que rien, et tant mieux, ne le laissait supposer. Je m'étais trompé, chers auditeurs, et pourtant je n'en conçus point d'amertume. Tout en mon soulagement, je pardonnais Chelsea, l'une et l'autre, la légitime et la bâtarde, et ressentis bientôt le même étrange sentiment pour le richissime et prétentieux club londonien. Je me rappelais que Chelsea avait au moins le bon goût de n'avoir jamais gagné la Ligue des Champions, laissant ainsi l'OM à sa lumière. Que son stade se situait non pas à Chelsea mais à Fulham, et que sans non plus être le Barbès londonien, c'était préférable au Bois de Boulogne. Que Didier Drogba, quoi qu'on en dise, avait au moins le mérite de se prénommer Didier, et certainement celui d'être sympa. Que Manchester City, grâce à ce diable de Balotelli, avait repris le flambeau vicié de Chelsea. Bref, que je retrouverai ce soir mon lit avec une autre idée de Chelsea. Bravo docteur. Bravissime. Docteur, chapeau. Une fois de plus. Vous savez, la pratique d'Internet, ça vous amène certaines idées. Hein. J'ai bien aimé Véritable Scout. Oui, ça m'a plu, oui. Ça m'a plu énormément. Ouais. La langue est bien fourchée. Brett, notre émission touche à sa fin, comme à chaque fois sur la chronique du docteur Lehmann. On n'a pas vraiment d'autres sujets de conversation à aborder, je crois pas, pour non, ce soir. On s'était dit éventuellement que vous pourriez, un moment, nous parler du... Parce que je crois quand on avait évoqué cette émission la première fois, Robert, vous nous aviez parlé de cette équipe, justement, de football nord-irlandaise. Belle anecdote, oui. Qui, à chaque fois qu'elle ne saluait pas son adversaire, c'était un petit peu comme une victoire pour les supporters. Les joueurs qui jouent pour l'équipe nationale ne sont pas trop connus, globalement. On n'a pas trop des Messi ou même des Ribéry, quoi. Et parfois, on a des vraies équipes. On a les Français, les Argentins. J'ai vu l'Argentine là-bas, à Belfast, sous la pluie. Et toutes les équipes du monde viennent. Et parfois, on a des joueurs très... Francescoli. J'ai vu Francesco Lee, quoi. Ça, il a marqué un but extraordinaire. Et j'ai vu dans les yeux de l'équipe nord-irlandaise la tentation de demander son autographe. Et le fait que ce n'est pas passé avant le match était toujours le succès. Après, ça va. On a le doigt, oui. Mais pas avant. Ce n'est pas encourageant. Ou pas pendant. Oui, exactement. Pas pendant. Ce n'est pas trop classe. Vous avez d'ailleurs un texte, je crois, là-dessus. Non, c'est pas ce que vous... Ouais, j'ai écrit un texte. Vous avez écrit quelque chose. Que j'ai dans ma poche, là. Ah. Ben non. Est-ce que je peux appeler mon agent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe avec Magic? Parce que je m'inquiète pour lui. Je crois que Magic est parti. Magic est parti. Ouais, mais, non, mais juste globalement, parce qu'il était sollicité. C'était le sixième quoi. Auditeur, hein, donc il n'y a aucun problème. Ouais, mm-hmm. Mais il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un qui gère Magic toujours. Ouais. Au quotidien. Quelqu'un professionnel. Professionnel. Le problème, c'est qu'il n'a pas de marche arrière sur sa voiture. Donc, oui. Pour quitter le Camp Nou, on sait qu'il y a un moment donné, il y a une légère pente. Qu'il faut passer en marche arrière, et c'est vrai que pour ça qu'on espère qu'il ne sera pas tout seul. Je pense que la Gouna s'occupera très bien de lui. Parfait. Ouais, bien dit. Tant mieux. Bon, le mot de la fin, Brett. Le mot de la fin, bah, les classiques remerciements. Alors, on doit vous remercier, Robert, d'être venu. J'ai envie de me suicider là. Oui. Ouais, mais attendez d'abord. Attendez la fin de l'émission, si possible. La fin, parce que. Et sinon, que dire Alors, on voulait, au nom de notre ami le shérif Bradley Morel, qui officie d'habitude à notre place pour l'émission Dataplex, en son nom, nous excuser auprès des concepteurs de l'émission Lapin Culte, parce que nous n'avons pas eu le fichier pour pouvoir la diffuser ce soir. Nous ne l'avons pas reçu. On ne l'a pas reçu, donc on s'excuse, ça se réglera comme ça doit se régler, on avec verra. Le shérif, avec, voilà, avec le shérif, avec et s'il faut avec nous, pourquoi pas. Il y a des saloons à proximité. Voilà. Vous êtes un vrai docteur? Oui. Un doctorant. Ah non, il est docteur maintenant. Oui, un docteur. Donc on s'excuse auprès des auditeurs de Lapin Culte et des concepteurs de l'émission. On remercie Cébalone, l'installeur. C'est une connerie. Hein. Donc, on vous remercie quand même. On vous remercie quand même. Beau boulot. Bon boulot. On remercie donc SoFoot, parce qu'il faut le dire. Oui. On nous aura prêté de la matière. Les éditions Quidam. Bien sûr. Un aspect important aussi, c'est de remercier quand même Radio Galère qui nous héberge. Évidemment. Sans trop le savoir pour l'instant. Sans trop le savoir pour l'instant, mais un jour, peut-être qu'un coming out est envisageable, même très rapidement. D'autre part, il serait intéressant de souligner que cette musique liminaire que vous avez entendue était l'œuvre de deux musiciens audacieux qui font les plaisirs et les joies de la scène marseillaise, savoir David Merlot et Damien Ravnich, en concert très prochainement. Vous savez où? Oui, ça va être le 27 à la Machine à coudre. Voilà. Sous un nom. Ils se prénommeront Sainte Zita. Ouais. Voilà. Ils seront accompagnés d'un guitariste, je crois. Un certain Virgile. Monsieur Virgile Abella. Oui. Voilà. Et de trois chanteurs, donc Manuel Amor, Brett Sinclair et le docteur. Sans déconner. D'ailleurs, et éventuellement de Robert, si Robert est là samedi. Ouais, Robert est dispo samedi. Eh ben on va remettre ça. Nous chanterons parce qu'on n'a pas très très bien chanté, comme on peut leur dire aussi qu'on a été perturbé par un... Moi j'ai vu ça comme une tentative de mettre... De nous mettre des bâtons dans Guirou. Bon. Oui, c'était réussi. Pour le coup, on a fait une introduction assez... Je suis pas sûr, mais je crois que c'était en place en fait. On écoute le podcast parlera de lui-même. Mais... À propos de podcast, pardon, c'est l'occasion. Parler. Parce que la dernière fois, on a été un peu brocardé. On disait qu'on annonçait un blog. Le blog n'était pas là. Beaucoup de courriers. Eh bien, le blog est là. Le blog est là. Voilà. Le blog est créé. Vous allez retrouver toutes nos plus belles chroniques sur ce blog. Les résumés des matchs, les émissions en intégralité, la boutique, qui n'est pas encore pour l'instant bien nourrie, mais Magic y travaille, je crois. Et vous allez retrouver les textes lus par Robert Mac, Liam Wilson ce soir. On donne l'adresse, donc c'est http://. Des bâtons dans Guirou. Des bâtons en deux mots. Alors des, oui. D-E-S, bâton, B-A-T-O-N-S, Guy, G-U-Y, roux. R-O-X. Comme roux, R-O-U-X. Point, posterousse. P-O-S-T-E-R-O-U-S. Il y a certainement une manière anglo-saxonne un peu plus fameuse de prononcer ce mot-là. Posterous. Isn't it? Posterous. Je ne parle pas anglais, non. Je suis irlandais. Point je com. Parle gaélique. En gaélique, c'est... Donc, débattons d'Anguirou.posterous.com, c'est le blog de l'émission Débattons d'Anguirou. Et on vous remercie. C'était Manuel Amor en direct de Radio Galère. Brett Sinclair, merci à vous, merci à nos invités et à notre équipe technique, bien sûr. Eh bien, nous levons l'ancre et nous rendons l'antenne. Radio Galère 88.4.